Bonjour, bienvenue dans le podcast quasi mensuel de la cellule avec comme d'habitude les créateurs de Sens Exalogie. Aujourd'hui, j'ai réuni Aurélien Guy. Bonsoir à tous. Pierre Fournier. Bonsoir. Benjamin Béliez. Bonsoir. Et Thomas Poussou. Bonsoir. Flavie s'excuse, elle est absente, elle est malade. Voilà. Alors aujourd'hui, comme promis, on va vous parler de la réplioïde. On vous l'avait promis dans les sources d'inspiration également dans le système quand on avait présenté le système de jeu et l'effet extra-personnel. Alors d'abord, Aurélien, qu'est-ce que la réplioïde ? Eh bien, la réplioïde est ce qui nous permet d'avancer dans le jeu. C'est une armure, c'est notre arme contre l'Omicron et Mifoscadria. Ok, très bien. J'ai envie de me retourner vers toi, Pierre. Comment est-ce qu'on l'acquiert, cette armure ? Donc, cette armure s'acquiert si on est bug. D'accord. Ou pour les... Les immortels. Les immortels, exactement. On l'acquiert quand on est tout jeune, hein, à New York. Les bugs sont détectés grâce au réploïde. D'accord. Donc, le réploïde est formé de phylonite. Ouais. C'est la matière principale, c'est l'unique même. Et c'est cette phylonite qui se modélise quand on est proche d'un bug. D'accord, ok. Et donc la réplioïde, sinon au niveau des bugs, vraiment il l'acquiert quand ? Au niveau de l'histoire, au niveau des scénars et tout. Donc on récupère l'armure quand on arrive sur la base du pôle sud. D'accord. Donc Solipsis explique au peuple qui a survécu qu'il y a encore des êtres pour sauver et ramener la paix dans le monde. L'espoir. L'espoir, exactement. Et elle nous présente ses bugs, donc les joueurs qui sont autour de la table. Ouais. Et elle leur donne une armure, la réploïde. D'accord, ok. L'avantage, c'est que le gros item, on le récupère dès le début. Benjamin, ouais. Exactement. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Donc dès le premier scénario, on récupère son armure, qui va nous permettre de faire pas mal de choses. Mais d'abord, avant de s'attacher un petit peu à ce à quoi elle sert vraiment, on va un petit peu parler de ce à quoi elle ressemble. Alors, Aurélien, à quoi ressemble cette armure, selon toi ? En tant que joueur, comment est-ce que tu l'imaginais ? Alors, je l'imaginais au tout début comme une armure proche de celle de Samus Aran dans Metroid. D'accord. Et ensuite, ça a vite évolué comme étant une seconde peau, donc une matière plutôt élastique, on va dire, ouais. qui se met sur notre personnage que l'on joue, évidemment. Ouais. Et puis après, libre à chacun de donner la forme que le joueur désire, ouais, en fait, à son parce armure. Que la phylonite, on reviendra un petit peu dessus après, mais c'est un espèce de métal liquide en fait, donc qui peut tout à fait s'adapter aux circonvolutions d'un corps, quoi, en fait. Exactement. Ouais. Si je veux que mon armure ait une crinière argentée, je peux l'avoir. Si je veux que mon armure se ressemble à celle de Seyard dans les Chevaliers du Zodiac, elle peut l'être aussi. Bah, mon Dieu. Non, parce qu'il est bien précisé après. Quand même que ça doit être hermétique. Tout à fait. Alors tu prends une armure des Chevaliers du Zodiac, elles sont pas hermétiques. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Donc voilà, elles peuvent pas vraiment ressembler à ça quand même. On essaye de se détacher de ces inspirations saint-seyesques, s'il vous plaît, 2 minutes, messieurs. Merci. et dans un premier temps, on reviendra à ça plus tard, ouais. Il faudra demander à Tata Solipsis de nous mettre la jolie crinière. Ouais, voilà. Exactement. Donc, toi, Bobo, en tant que joueur, mais aussi en tant que futur maître de jeu, parce que tu es en train de nous écrire une campagne, là. Alors, en tant que joueur, déjà, comment est-ce que tu te l'imaginais ? Bah, au départ, comme Aurélien, hein, une grosse armure... qui donne un beau charisme. D'accord. Hein. ma vision de la réplioïde n'a pas trop changé par la suite. C'est plus quand justement je me suis mis à écrire que j'ai changé un petit peu l'aspect, comme on le présentait aux futurs joueurs, en imaginant quelque chose de pas trop ostentatoire. Tu vois, c'est-à-dire une armure discrète. Basique, tu vois. Enfin, tu prends une sorte d'armure de CRS, bon, un chouïa plus futuriste dans le design. Ouais. Justement pour pas donner l'idée qu'il y a quelque chose qui se cache dans un premier temps. D'accord. sur l'armure. Et justement, tu disais l'autre jour à propos des inspirations que tu allais essayer de rendre ça un petit peu réaliste. Est-ce que pour la réplioïde, tu y as pensé aussi ou pas ? Oui, en même temps, là on discute de comment on voit comment on voit l'armure, libre à chacun effectivement, une fois qu'on la porte, de l'imaginer un petit peu comme on veut. Là, on est libre sur l'esthétisme de cette armure, donc autant en profiter. Ouais, d'accord, ok. Alors justement, pour parler de liberté, parce qu'on a ici un maître de jeu, Thomas en l'occurrence, qui a lui par contre complètement rendu le système au niveau de l'armure libre en fait. Alors j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ça. Ben, moi, ma vision de l'armure dépend beaucoup en fait de la matière dont elle est fabriquée, qui est donc la phyllonite. Pour moi, là, donc la phyllonite, comme l'écrit la base, est donc un métal liquide. Ouais. Je l'imagine un peu comme un peu le métal qu'on voit dans le film Sphère. Donc quelque chose un peu de réfléchissant, ou le portail à la Stargate. D'accord. Ouais. Et qui a une texture assez proche de la peau humaine. D'accord. Donc quelque chose de très souple, qui réfléchit. Et donc à partir de là, vu qu'il est vivant, je pars du principe que cette armure est complètement transformable. D'accord. Donc moi, dans mon idée, en tout cas dans la chronique que je fais, je considère qu'il y a un lien fort entre les bugs et leur armure, parce que moi je pars du principe que les armures ont été faites pour chaque bug. Et, donc c'est-à-dire que l'armure d'un bug, elles sont vraiment individualisées. Voilà, elles sont totalement individualisées. Donc il y a une sorte de lien donc entre l'armure et ce bug, ce qui fait que par la pensée, l'armure répond automatiquement aux volontés de son propriétaire. Ah ouais, d'accord. Donc par exemple, je peux, si je le souhaite, mettre, le canon plasma, au lieu d'être au bout du bras, il peut être sur l'épaule. Ah ouais, je peux faire apparaître des ailes. Pourquoi pas, j'ai un personnage, un PNJ qui est un cuistot, donc il a une toque de chef sur la tête. Ouais. On peut faire apparaître un sac. Par contre, la chose qui est très importante, c'est qu'il faut respecter la propriété de l'hermétisme. D'accord. J'ai eu le cas d'un joueur qui, à un moment, a voulu manger à l'intérieur de son armure. Ah oui, donc il a voulu faire une liaison. C'était moi, hein. Voilà, totalement. Il a voulu faire une liaison donc directement entre son bras et son armure. Donc tu me l'avais interdit. Voilà, donc là j'ai dit bah non, il y a quand même une risque de perte de l'hermétisme. Ah, donc ce qui serait mieux serait de gonfler son armure de façon à pouvoir bouger à l'intérieur et ensuite la refaire pour reprendre la forme originale. Tu m'avais autorisé à ce moment-là carrément à en faire une tente en fait. Je me souviens, c'était sous l'eau, c'était pour une exploration sous-marine. Mon personnage est un océanologue, un océanographe, et donc du coup je suis parti en exploration sous-marine et là tu m'as autorisé carrément à créer une espèce d'igloo en fait sous l'eau. J'avais trouvé ça vachement sympa. Ça c'est effectivement c'est le côté un peu libre pour laisser vraiment une totale créativité aux joueurs. Très aussi bien. Un truc que j'ai trouvé pas mal, j'ai créé un PNJ au lieu de faire un humain, dit, bah pourquoi pas créer un animal en tant que personnage, donc bug. Ce personnage là pour l'activité de tous les jours, donc c'est un genre scientifique, il peut faire apparaître des bouts de son armure, donc des bras humains qui lui permettent de taper sur les claviers, et quand il met son armure il a une forme humanoïde. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment une totale liberté là dessus c'est vrai que sinon pour moi la représentation de l'armure, quand j'ai commencé Sens, j'étais comme tout le monde, vraiment une armure à la Metroid, avec des grosses épaulettes. Ouais, c'est la source d'inspiration qui est citée dans la base. Voilà, c'est vrai que c'est l'image que je leur donnais, mais vu qu'on a connu des évolutions quand même importantes, en même temps qu'on a découvert l'histoire, ma vision de l'armure a totalement changé. Ouais, d'accord. Aurélien, tu voulais dire quelque chose ? Oui, donc dans ta chronique, en fait, Thomas, tu mets surtout en avant la symbiose qui pourrait exister entre le personnage et son armure. Totalement, oui. Ouais. Symbiose, très intéressant. Pierre, toi, lorsque tu maîtrises un arène, est-ce que t'as une manière spéciale de voir la réplioïde ou globalement Moi, de base, j'avais l'idée aussi, comme les autres ici, que le réplioïde ressemblait plutôt à une armure comme dans Metroid, celle de Samus. Ouais. Je leur ai dit à quoi ressemblait une armure selon le livre de base. Ouais. Comment ils se sont imaginés d'ailleurs ? Je leur ai posé la question et ils m'ont un peu expliqué, montré leur armure. Il y en a même un qui l'a dessinée. Ah ouais, excellent. C'était au début, donc c'était des armures qui étaient très métalliques, pas très bien stylées au niveau du contour de la peau. C'est pas que c'est très bien stylé, c'est que c'est juste classique. Classique. Et à partir de là, j'ai évité de trop parler des Reploïdes et plutôt axé sur l'histoire. Donc je les force pas à, je les interdis. C'est génial. C'est leur mets pas des barrières au niveau de. Et tu as, tout à fait raison. Bah, d'ailleurs, c'est ce que Tom t'essaye de faire aussi. Mais le truc, c'est ce qui est dingue, moi, je trouve. C'est quand on réfléchit comme ça, et qu'on, tout en enregistrant ce podcast, en fait, je m'aperçois que vraiment, les choses qu'on décrit en tant que maître de jeu, chacun se les imagine d'une manière différente. Et je prends aussi le cas des inspirations. La dernière fois, quand on avait enregistré le podcast, on voyait qu'en fait, même les personnages, même les décors, il n'y a personne qui se les imagine pareil. Ça, c'est un truc vraiment d'une force, je trouve, du jeu de rôle, en général. Alors, on peut. Thomas, tu voulais ajouter quelque chose peut-être avant de poursuivre ? Non, rien de plus. Ok, très bien. Bon, alors maintenant, à quoi elle sert cette Reploïde dans le jeu ? Vraiment, de manière fonctionnelle. Alors, tu nous as parlé un peu de ce personnage, donc ça lui sert carrément finalement à vivre, tout simplement. Quoi. Voilà, ça lui permet d'avoir surtout une activité humaine alors que c'est un animal. Ouais. Donc, mais ça ne sert pas que ça, ça sert surtout, vu qu'on est quand même des combattants, ouais. On est là pour sauver le monde, ouais. Ça nous sert surtout à nous protéger des attaques de l'Omicron, ouais, et surtout des quadrillas. D'accord. C'est okay. Une forte protection, c'est une armure. Alors, qu'est-ce qu'elle apporte vis-à-vis des quadrillas, cette protection de particulier ? Alors, première chose, ça permet donc d'encaisser des dégâts. Ouais. Ça n'est pas que pour les quadrillas, et c'est surtout. Alors, elle ne peut, tiens justement, je voudrais juste dire ça, elle ne peut pas encaisser de blessures superficielles, légères ou graves. Elle ne peut encaisser que des blessures mortelles. Donc tout ce qui est couteau, arme à feu classique, ça ne l'affecte pas en fait. Non, en termes de protection, c'est énorme. Par contre, en contrepartie, même si l'armure n'encaisse pas un coup, par exemple, si on tombe de 10 mètres de haut, ouais. L'armure n'a rien, et nous à l'intérieur, on prend des dégâts. D'accord, ouais. Ah donc ça, soit toi tu l'appliques cette règle. Moi je l'appliquais aussi. Voilà. Hein, c'est une règle qui est appliquée dans la base. C'est pas je crois. Non, c'est pas précis. Dans la base. Ouais. Alors c'est peut-être mon expérience ouais. d'ancien joueur. Ouais, voilà, ouais. Voilà. Moi je sais que en tant que maître, ça je considère que c'est l'armure qui l'absorbe et donc le propriétaire lui n'encaisse rien. D'accord. Ouais. Okay. Sinon contre les quadrillas, ça sert surtout à se protéger des pouvoirs ombroïdes. D'accord, donc les ombres pouvoirs dans la nouvelle version. Voilà, les ombres pouvoirs. Car en fait, dû à son hermétisme, ouais. Le propriétaire, donc celui qui est à l'intérieur de l'armure, ne peut pas être attaqué. Ouais. Et dû à la propriété de la philonite, les quadrillas ne peuvent pas agir directement donc, sur l'armure. En fait, pour eux, elle n'existe pas cette matière. Bah, justement. Il y a toute. Voilà. Qu'est-ce qu'un quadrilla voit dans l'ombre monde quand un bug est à l'intérieur ? Est-ce qu'il voit le bug dans son armure ou il ne voit que l'armure ? Pour moi en fait à partir du moment où l'armure est hermétique, on voit rien en fait à travers. Ouais, il voit une armure, pas le type dedans. Ouais. Voilà, donc effectivement on peut remarquer que l'armure, donc la philonite, protège carrément son porteur. Ouais. Donc les pouvoirs ombroïdes ne peuvent pas interagir sur cette armure. Ouais. Par contre, si le quadrilla décide de lancer sa foudre sur l'armure, il subit quand même les dégâts. Mais alors le truc, c'est qu'il peut pas non plus cibler directement le mec qui est dans l'armure. Parce que du coup, même ça fait écran en fait quand même la philonite. Oui, effectivement. Ouais. Sinon, la propriété là aussi de l'armure, la grande utilité, c'est la survie d'un bug dans l'ombre monde. D'accord. Pour quelle raison, Bobo ? Ouais, la survie et l'exploration de l'ombre monde. Déjà, ouais. dans un premier temps, ça lui permet d'accéder à ce monde-là alors que personne ne peut y aller. Enfin, un humain de base ne peut pas. L'armure du bug va lui permettre d'aller dans cet ombre monde. Ouais, donc là-dessus, vis-à-vis du lecteur, on trouvera des mots comme choc ontologique. Alors, Bobo, un petit peu d'explication vis-à-vis de ce choc ontologique. Déjà, pourquoi on appelle ça un choc ontologique ? C'est-à-dire qu'on nous dit que l'armure nous protège du choc ontologique, de voyage entre les deux mondes. Oui, parce qu'un corps humain normal ne peut pas accéder et ne pourrait pas survivre dans l'ombre monde. C'est deux ontologies différentes, le monde réel et enfin le monde du joueur et l'ombre monde sont deux ontologies différentes. Donc l'ontologie, c'est vraiment un terme de métaphysique contemporaine, hein. C'est pas quelque chose qui a été inventé comme ça, c'est vraiment un terme qui existe. L'ontologie, c'est ce qu'on présuppose dans une théorie comme existant. Donc votre ontologie à vous, auditeur, eh bien, c'est ce que vous pensez qui existe dans le monde. Alors, vous pouvez vous poser la question, est-ce que la liberté, ça fait partie de votre ontologie ? Est-ce que, par exemple, une série ou un jeu vidéo, ça fait partie de votre ontologie ? Est-ce que ça existe vraiment ou pas ? Est-ce qu'une télévision, ça existe ? Et juste, qu'est-ce que vous êtes prêt à admettre comme existant ? Voilà, c'est ça vraiment la question qu'on se pose quand on fait un peu d'ontologie. Thomas, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'avais justement une question sur cette ontologie. Vu votre dialogue, j'ai cru comprendre qu'en fait, l'ontologie, c'est l'existence. C'est-à-dire qu'on considère qu'un être humain qui aurait le pouvoir de passer donc, dans le monde des ombres sera détruit parce qu'il n'existe pas dans le monde des ombres, c'est bien ça? Oui, il y a un peu de ça, ouais. D'accord, c'est très compliqué. Moi, suite un peu à ma chronique, ouais. je me suis posé la question, on considère qu'un être humain normal existe dans le monde des ombres. Ouais. Donc si un être humain normal passe dans le monde son des ombres... Hein. Ah, si un être humain normal passait dans le monde des ombres, il serait anéanti. Il serait anéanti. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, la différence entre le monde réel et le monde ontologique, c'est comme la différence entre le réel et le fictif. C'est comme si, tu vois, tu décidais de faire passer, par exemple, ce crayon ou ce micro. Tiens, on va le faire passer du réel au fictif. Si tu le fais, il va être détruit. Le fictif, bah, ça n'existe plus. Tu vois ce que je veux dire? Alors la réplioïde, ça permet de faire l'échange. C'est compliqué, hein, c'est très compliqué. Non. C'est vrai que bon, j'ai une vision du monde des ombres qui est très particulière suite à mon passé de joueur, mais c'est vrai que moi, dans mon idée, je partais vraiment du principe qu'un humain normal, s'il pouvait passer dans le monde des ombres, ne serait pas mort. Et c'est pour ça qu'un bug, qui lui n'existe pas dans le monde des ombres, il serait détruit s'il n'avait pas son armure. C'est vrai que c'est comme ça que je me le voyais. D'accord, mais cela dit, il y a des hommes qui ont des ombres qui sont déréglées. Par exemple, tu prends Gladius Sword, son ombre, elle est morte à la Nouvelle-York. Alors qu'en fait, le personnage réel continue à exister au pôle sud. Si Gladius passe dans le monde des ombres, alors qu'est-ce qui se passe pour lui? C'est technique, voilà. Là. Voilà. Non, alors, c'est ton exemple qui me dérange du fait que actuellement, pour moi, je ne sais pas si Philongfinger existe dans le monde des ombres. D'accord. Ouais, ça, c'est encore une autre question. Voilà. C'est est-ce qu'il existe? Voilà. Ça, là, c'est une question à moi. Je ne sais pas trop. Mais okay. C'est vrai que moi, j'étais resté sur cette idée-là. C'est vrai que choc ontologique, c'est quelque chose que j'ai entendu depuis que je joue à Sens, ouais. Mais que j'ai jamais vraiment compris. Ouais. Ouais. Ouais, ça reste encore à approfondir. Ce que je trouve assez intéressant, c'est la tournure du débat qui a pris suite à... On est parti de la réplioïde et puis on en est venu à parler des deux mondes. Ouais. Comme quoi, la réplioïde, c'est un peu le médium, c'est ce qui nous permet de voyager entre ces deux plans. Exactement. Deux états différents. Qu'on va appeler un vecteur de volonté. Ouais, voilà, exactement. L'armure, l'armure, c'est un moyen de projeter la volonté du joueur dans un monde, qui n'est plus le sien. Alors, donc, là, aux joueurs autour de leur table de se faire la réflexion. Alors, ma feuille de perso, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Exactement. C'est un vecteur de volonté également. Le joueur Benjamin va projeter sa volonté avec sa feuille de perso dans le monde. Dans le monde de Sens. Moi, je serais juste à dire une chose. Vu ce que tu viens d'annoncer, je sens qu'il y a des MJ qui vont se prendre la tête. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui écoutent ce podcast, sinon je plains les MJ. Non, enfin, quoi qu'il en soit, quand on est joueur du jeu, si on écoute ce genre de choses, je pense que ça peut mener à des pistes de réflexion, mais les révélations seront faites de toute façon pendant le scénar. Donc, bon, voilà. Mais quoi qu'il en soit, on a fait une petite digression, ma foi, fort utile pour essayer d'un peu comprendre ce que c'était que ce choc ontologique et ce à quoi sert vraiment cette armure. Donc effectivement, on a plusieurs aspects. On a un aspect combatif, on va dire, hein, livrer des batailles dans l'ombre monde, mais également dans la réalité. Baston ! Voilà, elle protège des dégâts, etc. On a effectivement cet aspect, elle protège entre deux mondes et elle nous permet d'explorer des choses. Et puis on a cette histoire de choc ontologique qui commence déjà à soulever quelques petites questions et réflexions. Ça me fait très très plaisir d'avoir cette petite discussion avec vous autour de ce podcast. Donc maintenant, on va changer de registre. On va parler un petit peu de l'évolution de la réplioïde. La réplioïde et après, j'ai envie de dire. Et même avant. Et avant. Et avant, comment ça marche? Parce que ce qu'on n'a peut-être pas précisé, quand on obtient notre armure au tout début du jeu de rôle, elle nous est donnée par Solipsis. Et toutes les modifications ou choses qu'on voudrait effectuer, on doit passer par Solipsis qui est la seule à pouvoir travailler cette matière. Ouais. Dans un premier temps. Tu veux dire quelque chose, Pierre? Oui, alors c'est juste un entre parenthèses pour revenir juste à la question précédente. La réploïde permet aussi, moi à ma table, c'est les joueurs l'utilisaient de façon à intimider les PNJ. D'accord. C'est-à-dire qu'en le mettant, soit les gens du pôle sud savaient et honoraient le bug. Ouais. Soit lorsqu'ils étaient dans des territoires un peu c'est vrai. Un peu hostiles, ça intimider l'adversaire. C'est vrai que ça a des vertus sociales aussi quand même. Et voilà, donc il n'y a pas que le côté combatif et survie, il y a aussi un côté social comme tu disais. Bah, imaginons la Seconde Guerre mondiale, on est en France, les héros c'est tous les généraux de Gaulle, c'est sûr, ça impose un certain respect. Donc, nous parlions donc de l'évolution de la Réplioïde. Donc, Bobo, tu nous parlais de déjà comment elle est créée, donc a posteriori en fait dans l'histoire. Mais maintenant, comment est-ce qu'elle évolue avec l'expérience, etc. Il n'y a pas d'expérience déjà pour la Réplioïde. Donc toi, bah toi, on sait, Thomas, pour toi c'est hyper libre. Alors c'est libre, mais il reste quand même une règle d'évolution, c'est que. Je considère que au début, au départ, l'armure a un certain nombre de points de vie, donc de blessures mortelles, voilà, qu'on va parce que les graves, les légères, les superficielles ne l'atteignent pas. Voilà. Et un... Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a coché toutes ces blessures mortelles sur la Réplioïde ? Ah, alors là, c'est bien la merde pour le bug. En fait, il n'y a plus d'énergie. Que le système de points de vie, c'est un système d'énergie. D'accord. Donc l'armure ne bouge plus. Donc c'est juste un simple bloc de métal sans vie. Et surtout, elle perd toutes ses propriétés d'hermétisme, même si elle garde toujours une certaine résistance. D'accord. Donc moi, je considère que un bug qui tombe à 0 BM, bah, ça devient une barre de métal qui tombe, qui peut plus bouger. Mais si un quadrilla lui fonce dessus... Il peut quand même la dématérialiser, parce que pour se régénérer, il faut attendre 2 heures dématérialisée. Non. Alors qu'est-ce qu'on doit faire dans ton système ? Le seul moyen dans mon système, c'est d'avoir un copain bug à côté de soi, qui lui donne un point d'énergie, donc une BM... pour à partir de là lui redonner vie à son armure et pouvoir la rétablir. Alors ça, je tiens à préciser pour nos auditeurs que c'est pas dans la base, hein. C'est vraiment toi qui a défini ça comme ça. Mais c'est intéressant. Parce qu'à la base, dans la première chronique, ouais. C'était à partir du moment où on tombe à 0 BM sur l'armure, elle se dématérialise tout de suite pour se régénérer. Voilà, exactement. Donc autant vous dire que 0 BM dans le monde ombroïde. Dans l'ombre monde, pardon. Signifie l'anéantissement. Faut mieux éviter, parce que sinon vous allez voir la signification tout de suite du choc ontologique. Et de tornade également, peut-être. Il y avait juste un truc qui me chiffonnait sur ce que tu disais, Thomas. C'était sur le fait que tu pouvais donner une BM à ton ami Bug. Mais tu disais au tout début que tu. Chaque réplioïde était intimement lié à son porteur. Oui. Et du coup, ça crée pas Attends. Leur utilité, oui, mais Thomas nous a bien précisé qu'elles étaient quand même toutes en philonite. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, elle a quand même une empreinte. Chaque philonite a une empreinte de celle de son porteur. Je prends l'exemple, on va partir là-dessus. Est-ce que tu fais du don de sang ? Du quoi ? Un don de sang. Est-ce que tu donnes ton sang ? Non. Non, bon. C'est dommage. Mais bon, dans l'exemple, imagine que donner l'énergie de sa répliovide à une autre répliovide, c'est comme si tu donnais ton sang à quelqu'un de compatible. D'accord. Mais là, toute l'énergie de toutes les armures sont compatibles. D'accord, très bien. Ouais, d'accord, voilà. Okay. En fait, moi, j'ai surtout mis cette règle-là de pas de dématérialisation pour essayer de laisser un moment de répit à un joueur qui permet que il tombe à 0 BM. Le quadrilla est toujours là. Le quadrilla peut dévider, tiens, je te tue maintenant parce que un quadrilla fait des dégâts régulièrement. En mortel, et qu'un humain, malheureusement, on n'a qu'une blessure mortelle. C'est très très mortel, un humain. Très très mortel. Encore une fois, je voudrais repartir sur le thème qui était le nôtre, l'évolution. Voilà, donc ce que j'expliquais, c'est que moi, donc en plus d'un nombre de BM limité au départ, j'ai un bloc d'optimisation. Je considère que quelqu'un qui a envie de personnaliser son armure a peut-être envie d'un petit bonus. D'accord. Exemple, je fais un scientifique, moi j'aimerais bien de temps en temps avoir un bonus dans ma rune de Cosmo. D'accord. Et je considère que grâce à ce bloc d'optimisation, il peut avoir un laboratoire portatif. D'accord. Qui fait qu'à partir de là, on va lui donner un pourcentage, un plus 10 en Cosmo. D'accord. Ou un combattant, une visière de visée. Ça reste très proche de la base. Voilà, c'est ça. Et donc l'évolution, dire qu'au fur et à mesure des scénarios, de la campagne, on va gagner. Aussi bien en blessure mortelle. D'accord. Enfin, on va faire plus de dégâts. On pourra encaisser plus de BM. Voilà, faire plus mal et avoir un nouveau bloc d'optimisation. D'accord. Et donc d'avoir en plus le 10% en Cosmo, j'ai quand même envie de faire du dégât, prendre la visière de combat ou toute autre chose. Il suffit juste que le joueur décrive, j'aimerais avoir un bonus dans telle chose, mais de telle façon. Donc, comme ça. C'est très très proche de ce qui est dans la base. Voilà. Et pour obtenir ces blocs, on passe par l'armurerie. D'accord, donc il y a quand même une intervention de Solipsis comme Il y a toujours une intervention de Solipsis qui, elle, bien évidemment, c'est plein de choses sur ces petits groupes de bugs. Se dit, tiens, je sais qu'eux, ils sont intéressés par telle optimisation, donc j'ai créé ça. Et si je veux que quelque chose de plus personnel, eh ben, on va voir Solipsis. Elle demande, ben voilà, je souhaiterais telle chose. Et elle va prendre son temps et, grâce à la Philonide, va créer donc le bloc souhaité par le joueur. D'accord, ok. Toi, Pierre, dans ta chronique, hein, comment ça se passe ? Alors, moi, mes joueurs, quand ils désirent améliorer leur Reploid, ça a toujours un rapport à ce qui s'est passé dans le scénar. Par exemple, si quelqu'un, un scientifique, par exemple, s'est retrouvé dans un moment où il devait recueillir des échantillons et il n'avait pas le matériel pour, donc là, il est tombé sur un problème pendant le scénar. Ah, il va y avoir à la fin du scénar, il me dit bon, bah là, j'aimerais bien que mon armure, je puisse avoir un matériel, par exemple, scientifique. Donc comme c'est en rapport à ce qui s'est passé pendant le scénar, je pourrais lui accorder. D'accord. Si quelqu'un me demande quelque chose de totalement différent avec son type de personnage, quelque chose de farfelu et qui n'a... Tu le refuseras. Je le refuserai, oui. Okay. Il faut qu'il y ait toujours un lien avec le scénar et son personnage. Ok. Parce que j'ai envie de les quadriller, je peux éviter qu'ils partent dans tous les sens et faire n'importe quoi avec leur Reploid. Qu'un espèce de système de manque, quoi. La Reploid décèle qu'il y a des manques sur ce personnage et donc décide de s'adapter. Mais c'est la Reploid qui s'adapte elle-même ? Généralement je fais passer par... On reviendra là-dessus peut-être dans la Reploid, ce mystère, notre dernière session. Benjamin, est-ce que tu as des idées pour l'évolution de la Reploid de ton côté ? Ou non, tu resteras assez fidèle à la base. Là-dessus, je vais rester assez fidèle à la base. D'accord, ok, très bien. Donc, ce qui est dit dans la base, globalement, pour en parler rapidement, parce que là, tout le monde a présenté un peu sa manière d'adapter. Globalement, ça change pas grand-chose au système, donc je suis plutôt content de ça. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque scénar, on va pouvoir soit rajouter une blessure mortelle sur sa Reploid, soit choisir un équipement au choix. Donc, le joueur va choisir un équipement et sa Reploid, d'elle-même, va s'adapter au choix du joueur pour son personnage. Donc voilà, tous les scénars, en fait, tout le monde va choisir soit d'augmenter son endurance, soit d'augmenter ses dégâts, pardon, j'avais oublié de dire ça, des dégâts qu'il fait avec son armure, soit de créer un équipement de son choix totalement variable. On a eu des exemples des gens qui ont fait des ailes, une vision à 360 degrés, donc là c'est totale liberté au joueur pour inventer son équipement pour le personnage. Et voilà. Et justement, parlant de liberté et de choc ontologique et tout ça, on va aboutir à la conclusion de ce podcast avec quelques grandes ouvertures. J'ai envie de dire la Reploid, ce mystère, la Philonite, ce mystère. Alors, quelles sont déjà les grandes questions que vous êtes posées en tant que joueur au début, lorsque vous avez découvert cette armure ? Qui a envie de commencer à prendre la parole sur cette idée ? Benjamin ? La première question qu'on aurait tendance à se poser en tant que joueur avec la Reploid, c'est pourquoi elle réagit qu'aux bugs et aux immortels. D'accord. Et pas à l'humain de base, du tout venant, quoi. Mm. La deuxième question, c'est comment ça marche, comment on peut la modifier. Hein, à chaque fois, faut passer par Tata Solipsis, c'est bien gentil, mais... On sent le cosmo, là. Je voudrais bien apprendre à faire comme elle. Donc, on aura l'occasion de... De voir ça en détail. Dans Cosmo. D'accord, ok. Donc, parce que toi, en fait, donc on rappelle pour nos auditeurs que en tant que joueur, sur la première table, celle qui a grandement inspiré l'histoire de Global de Sens, tu jouais le personnage de Nathaniel, et donc à un moment donné, ce personnage va pouvoir avoir accès au secret de la Philonite. Alors, qu'est-ce que tu avais créé comme objet, d'ailleurs, quand tu as commencé à avoir un peu les pouvoirs de Tata Solipsis, comme tu l'appelles ? Bah écoute, en fait, rétrospectivement, j'ai pas créé grand-chose pour moi, mais c'était plus les copains de la table qui disaient « Ouais, je voudrais bien avoir un gros bâton qui tape. » Bah non, Tom, tu m'as rien demandé, t'es devenu quadrilla. Moi, jamais ! Donc, et les fameux vaisseaux, quoi. C'est énorme. Alors, quand tu commences à avoir déjà une armure qui tape dur et puis qui peut se transformer un petit peu en vaisseau pour aller vite, c'est bien pratique. Et mon personnage de Montaigu a eu un peacemaker qui lui a bien servi aussi. Ouais, avec tes problèmes de cœur, effectivement. Donc Aurélien qui joue le personnage de Gabriel, que vous aurez l'occasion de découvrir bientôt dans la fiction de Sens Mort. Donc voilà, c'est vrai que toi, Thomas, t'en as pas trop profité au final, parce que en tant que cadre, non, mais je me suis quand même posé des questions. Alors quel genre de questions tu t'es posé ? Moi, je me souviens surtout d'une grande phrase qu'on nous a dit, je pense dans le premier scénar de Solipsis, qui nous disait que surtout, il ne fallait jamais parler à son armure. Alors, qu'est-ce que ça, ça t'a intrigué, bah, ça ? Bah oui, pourquoi j'irais déjà d'une part parler à mon armure ? En fait, c'est vrai que Solipsis met, enfin. Mais un petit bémol là-dessus, parce que le truc, c'est que l'armure vous protégera en tant que joueur, enfin en tant que personnage, pardon. Elle vous protégera des dangers qui vous guettent, même si vous n'avez pas conscience de ce danger. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, essaye de vous sniper à distance et que vous ne le savez pas, l'armure se mettra automatiquement autour de vous pour vous protéger. Voilà, effectivement. Donc, du coup, la deuxième question que je me suis posée, c'est comment l'armure fait-elle pour savoir que je suis en danger, alors que moi, même moi, je ne le sais pas. Donc ça supposerait qu'elle est un peu vivante, quoi, cette armure. Est-ce que cette armure serait liée au MJ? Je ne sais pas. Nous en saurons plus peut-être, voilà, après. Aurélien, quels sont les types de questions que tu t'es posées vis-à-vis de la Philonite et de la Réploïde? Vis-à-vis de mon personnage, moi, il lui est arrivé d'étranges choses. Hein. Il lui a parlé. Il a eu un certain dédoublement de personnalité. Et puis... Et je vais pas en dire plus si t'en révèles un petit peu dans. Ça va commencer à venir. Dans la prochaine c'est vrai extension. Dans Sans Mort, je parle déjà de tes problèmes de cœur. Mais voilà. C'est tout pour le début. D'accord. Donc, parce que mais ce bon, sont les y problèmes y a que tu as de... eu plus après dans Sans Nothingness, enfin dans Sans Néant. Voilà. Mais moi, j'ai vu une certaine. Un certain mal psychologique qui est la schizophrénie. Ouais. Alors, et se dire suis-je une armure, suis-je un homme, qui suis-je, un peu des deux, on ne sait pas vraiment. Le fait que la réplioïde ne s'adapte qu'aux bugs et aux immortels, hein, ça présuppose aussi quelque chose quand même de la nature de ces bugs et de ces immortels. Ça dit qu'ils sont spéciaux, qu'ils ont quelque chose un lien avec la réplioïde et tout. Enfin, c'est quelque chose de mystérieux là-dedans. Et puis bon, bien sûr, on peut pas parler de sens sans parler du déterminisme, etc. C'est étrange de se dire qu'il y a une matière qui ne s'adapte qu'à un certain type de personne. Finalement, ceux qui sont censés représenter la liberté sont eux aussi apparemment soumis à une certaine forme de déterminisme, puisqu'ils ont l'air d'être des espèces d'élus ou on sait bien pas sûr. Trop. Donc, et pour ma part, j'avais une autre supposition, mais bon, que tout le monde avait dû comprendre, c'est que l'armure, selon moi, cette seconde peau prend la forme un peu des runes que l'on, enfin des obédiences que l'on sert, que si, l'on défend, hein. Exactement. Si vous êtes quelqu'un de plus vers la mort ou la création ou le chaos, ton armure va s'adapter. Ça va influer, à mon avis. Enfin, c'est même assez évident. Naturellement. Bon, et bien voilà, on vous laisse avec ces quelques questions, des pistes de réflexion pour vous en tant que personnage, en tant que joueur ou en tant que maître de jeu. On vous dit à bientôt, râlez moins, jouez plus, on se quitte encore sur la vieille formule de notre ami Grumpf. À bientôt à vous. À bientôt. À bientôt. Tant, tant, tant, tant. Tant, tant, tant, tant.